J'aime le sport. J'aime le tennis, le football et la gymnastique. À Québec, je joue au tennis tous les jours et je joue au football toutes les semaines. J'adore la bicyclette. À Québec, j'ai une bicyclette magnifique. Je n'aime pas l'hôtel. Ma chambre est petite. Dans ma chambre, il y a une chaise. C'est tout. Ma sœur a une chambre avec douche. Mes parents ont une chambre avec salle de bain. Moi, j'ai seulement un lavabo. Il y a des salles de bain dans l'hôtel, c'est vrai. J'aime bien le petit déjeuner canadien. Un œuf et une tranche de jambon. Je n'aime pas le petit déjeuner français. Du pain, du beurre, de la confiture et des croissants. Je n'aime rien. Oh, pardon. J'aime les jeunes françaises.